En fait, la violence policière, on est beaucoup quand même à la connaître parce qu'il suffit de prendre les transports. Alors, c'est pas la police, mais c'est la police du métro, du RER ou de la SNCF qui n'arrête pas d'arrêter des jeunes. Ben, comme par hasard, ils contrôlent que des jeunes qui sont un peu basanés ou qui ont l'air de venir des pays du Maghreb ou d'Afrique. Vous les voyez jamais contrôler un blanc, quoi. Ensuite, quand vous allez dans les quartiers populaires de banlieue, là où il y a des tours, tout ça, ben vous voyez une police qui n'arrête pas de contrôler 10 fois dans la même journée des jeunes de façon très agressive, très humiliante, qui leur demande 36 fois leurs papiers alors qu'ils les connaissent par cœur. Alors avant, on avait ce qu'on appelait des gardiens de la paix. Les gardiens de la paix, ils étaient attachés à un quartier, ils connaissaient un peu les habitants. Maintenant, on a des forces de l'ordre. Oh là là, des forces de l'ordre. Mais quel ordre? Quel ordre? Est-ce qu'il y a un ordre avec une égalité devant la justice, une égalité devant la police? Ben, je la vois pas. Quand des policiers s'amusent à humilier un jeune homme et après à lui déchirer l'intérieur avec une matraque, ça s'appelle un viol. D'après les médias, c'est un viol présumé. Ah bon? Pourtant, à l'hôpital, ils ont dû l'opérer. Et il a été filmé. Théo, il a été violé par un policier. Ce n'est pas un viol présumé. Alors, il est où ce policier? Il est passé en justice? Pas encore, il est en liberté. Et quand 3 gendarmes dans un camion de gendarmerie en juillet arrêtent un jeune homme, Adama Traoré, le jour de son anniversaire de 18 ans, il s'en allait un peu vite parce qu'il ne voulait pas être contrôlé le jour de son anniversaire, Adama Traoré, dans la ville de Beaumont-sur-Oise, où il est connu pourtant comme quelqu'un de très bien. Eh bien, ils l'ont embarqué dans leur camion de gendarme et puis ils ont fait quelque chose qui est formellement interdit. Ils lui ont fait un plaquage dans le dos pour l'écraser sur le sol à trois, à lui piétiner le dos. Ça, c'est interdit. Et ils ont vu qu'il commençait à plus pouvoir respirer. Mais il paraît qu'ils ont pensé qu'il faisait semblant. Vous vous rendez compte? Vous voyez quelqu'un en train de mourir, mais il fait semblant. Le problème, c'est quand il est arrivé au commissariat, il était mort. Ces gendarmes-là, qui ont fait un plaquage au sol interdit en juillet à Adama Traoré, qui n'ont pas appelé les pompiers quand ils l'ont vu mourir, parce qu'il n'arrivait plus à respirer, eh ben, ils sont en liberté. Par contre, les deux frères d'Adama Traoré, ils ont juste voulu rentrer dans le conseil municipal de leur ville au mois de novembre, parce que la maire de leur ville, Madame Grou, faisait un conseil municipal exprès pour demander de l'argent pour attaquer cette famille, parce qu'il paraît que ça la dérange qu'il y ait des familles africaines dans sa ville de Beaumont-sur-Oise. Et donc, elle a suscité elle-même les troubles. Elle a laissé une conseillère municipale user de gaz lacrymogène en plein conseil municipal. Elle a interdit l'entrée du conseil municipal à Bagui et Youssouf Traoré, qui sont les deux frères de quelqu'un qui est mort innocent en juillet dernier, tué par 4 gendarmes. Eh bien, figurez-vous que c'est les deux frères de la victime qui sont maintenant en prison. En prison depuis novembre, ils n'ont pas. Apparemment, on leur trouve tous les jours quelque chose, d'après des témoignages de policiers qui ne sont même pas vérifiables. Alors, on a une justice dans ce pays. La police, à quoi elle sert? C'est marrant parce qu'au gouvernement, là, ils se remplissent les poches, ils ont tous des belles casseroles. Mais c'est bizarre, la police, elle s'en occupe pas. Elle est beaucoup trop occupée à harceler tous nos mômes dans les quartiers populaires, hein, dans les banlieues, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait la police? Sinon, arrêter sans arrêt, humilier les jeunes de banlieue qui sont nos enfants, qui ont les mêmes droits que tous les enfants en France, et qui, les jeunes de banlieue ne doivent pas être donnés pieds et poings liés à un comportement de la police qui est anormal, illégal. La police se croit au-dessus des lois, elle se croit en colonie. Ben, la colonie, on nous avait dit qu'il n'y avait plus de colonie. Hein? C'est bizarre. Le comportement de la police dans nos banlieues populaires, ça ressemble vachement au comportement qu'ils avaient dans les colonies. Hein? C'est marrant d'ailleurs parce que la BAC, qui c'est qui forme la BAC? c'est des officiers qui ont fait carrière dans les colonies. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez à quelle police on a affaire? On n'en veut pas de cette police-là. On est capable de gérer la paix dans nos quartiers, avec les grands frères, avec les familles, avec les mamans, avec les associations qui savent ce que c'est que le vivre ensemble. Ouais, le vivre ensemble. La France, qui c'est qui l'a libérée des Allemands? Hein, c'est pas les Américains, quand ils ont débarqué, le boulot, il était à moitié fait. Qui c'est qui l'a libérée? C'est pas De Gaulle tout seul. 250 000 tirailleurs sénégalais, des goumiers, des pays, des colonies de la France ont libéré la France sous l'occupation. Alors les Français, ils s'en souviennent de ça? Hein? Ils s'en souviennent? Les goumiers, les tirailleurs sénégalais, tout ça, du Maghreb, des colonies, c'est eux qui ont vidé la France des Allemands avec 150 000 forces françaises. FFI, bon, force française de l'intérieur, 250 000 qui venaient de nos colonies. Qui c'est qui a reconstruit la France après la guerre? Qui c'est qui a bâti les immeubles qu'on voit là dans les quartiers populaires? Des gens venus de nos colonies. Ah, ils ont été décolonisés, il paraît. C'est marrant parce que monsieur Hollande, cette crevure pour laquelle j'ai voté malheureusement, c'est le président qui restera dans l'histoire comme celui qui a fait le plus de guerres en tant que président français, sans nous demander notre avis. Il fait la guerre partout, Hollande. Il fait la guerre au Mali pour prendre l'uranium. C'est pas contre Daesh, hein, faut pas croire. Daesh, c'est une fabrication de l'Occident, c'est bien utile. Il fait la guerre en Centrafrique, au Tchad, en Syrie, en Libye. Il nous a demandé notre avis? Pas du tout. Vous savez combien ça nous coûte? 1 milliard par an. Oh, le budget de l'armée, c'est juste 600 millions. Mais comme ça ne suffit pas, il pique dans le budget de l'éducation nationale, il pique dans le budget des hôpitaux qui sont en train de crever là, parce qu'il n'y a plus de personnel, il n'y a plus moyen de réparer les appareils dans les hôpitaux. Et le coût de ces guerres, de tous ces officiers qui font la guerre partout pour la France, pour garder l'uranium, pour garder les ressources, 1 milliard par an. Mais M. Hollande est très content. Figurez-vous qu'on était le troisième vendeur d'armes au monde. Eh bien, on est passé deuxième. On vend encore plus d'armes que la Russie. Waouh, Hollande, il est content. Mais ces armes, elles tuent. Elles tuent des milliers de gens. Elles tuent partout. Alors, quand elles tuent des gens en place de la République, M. Hollande vient mettre des bougies. Mais nous, on n'en veut pas de ces guerres. On ne veut pas dominer des pays qui ont droit à la liberté, à s'autogouverner, à se décider eux-mêmes. Nous sommes le deuxième vendeur d'armes au monde, c'est une honte. Et pendant ce temps, on laisse crever les gens qui fuient les pays où il y a ces guerres de la France, ou alors des dictateurs soutenus par la France. M. Hollande va vendre ses armes à l'Arabie Saoudite. Bien sûr qu'elle vend à Daesh, tout le monde le sait. Alors ça finit quand ça? Et après, les réfugiés qui quittent ces pays en guerre, qui fuient nos guerres, ou les pays où on vend nos armes à des dictateurs? On les laisse crever comme des chiens en Méditerranée. On donne des ordres de les repousser aux frontières. La police leur pique à Jaurès, leur matelas, quand ils crèvent de froid. Ben moi, vous savez ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle comment on traitait les Juifs pendant la guerre. Ah, c'est pas beau, hein, comment on a traité les Juifs maintenant. Maintenant, la Shoah, quand même. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Il n'y a plus besoin de chambre à gaz, la Méditerranée s'en charge. Il y en a combien? 4 000 qui meurent en Méditerranée, là, depuis quelque temps. Mais enfin, c'est quoi, ça? Si on veut faire la guerre partout, faut arrêter. Et puis, l'homme a toujours migré. Il a le droit de migrer. On doit l'accueillir. Comment ça se fait que quand nos colons, ils sont partis coloniser l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, au début, ils ont été bien reçus. C'était des peuples qui avaient une tradition d'hospitalité. Et nous, vous voyez comment on traite les migrants? Vous voyez comment on les traite pire que des chiens? Vous voyez comment on traite nos membres de banlieue? Ça, on n'en veut plus. On veut la même justice pour tous, la même police. Gardien de la paix, je veux bien, mais pas des forces de l'ordre. Et ce qu'on veut, et on va le dire demain, parce qu'on sera des milliers à la manifestation qui part à 14 heures de Nation. On veut la justice. On veut la justice et la dignité. Comment ça se fait que les policiers qui ont tué Adama sont en liberté, qu'ils n'ont pas été entendus encore par un juge? Comment ça se fait que les quatre policiers qui se sont amusés à humilier Théo et dont l'un lui a déchiré tout l'intérieur. C'est marrant, ils ne sont pas passés en justice. La justice a mieux à faire. Tous les jours, elle condamne des jeunes de banlieue, des militants contre la loi travail, des gens qui sont solidaires, des migrants. On n'en veut pas de cette justice-là. On n'en veut pas de cette police-là. Et pour avoir la même liberté, la même égalité, la même justice pour tous, nous serons demain à 14h à Nation, la marche pour la justice et la dignité qui va de Nation à République et qui part de Nation à 14h. Et nous nous battrons jusqu'au bout. On s'en fiche des résultats des élections. Il va falloir qu'on ait en France la même justice pour tout le monde. Nous voulons la justice pour Théo, la justice pour Adama, la justice pour Aliziri, la justice pour Wissam. La liste, elle fait des kilomètres. Et plus vite que ça. Merci Evelyne. On va remettre la musique, mais je pense qu'on peut discuter encore un petit peu sur ce qui a été dit. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein, vous pouvez dire quelque. Oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Alors voilà, c'est Eve. écoutez, vous voulez parler, monsieur? Quoi? Ouais, personne ne se connaît, mais c'est pas important. On va mourir un jour, de toute manière. Il faut en profiter maintenant. Hein. Alors, Ali, oui, voilà, je vais parler de Ali. C'est un Afghan magnifique. Il a mal fini. Il est parti le 16 janvier. Il s'est pendu dans sa cellule. Tout ça parce que il est arrivé en France en 2009 dans la galère de la guerre d'Afghanistan et le pauvre il avait été déjà très blessé par les talibans, il avait le cerveau écrasé, une partie du cerveau écrasé et à la suite de ça il est arrivé avec ses blessures comme beaucoup d'entre vous qui arrivent avec vos blessures et finalement vous n'êtes pas tellement soigné, on ne vous soigne pas vraiment, on vous laisse de côté, quoi. Et après, évidemment, quand on laisse les cicatrices dans le cerveau, on ne fait pas de soins, il se passe que des malheurs pour ces gens-là, parce que personne ne les comprend, et on les prend pour des gens violents, on les prend pour des gens méchants, et donc, généralement, ils se battent dans la rue, parce que se battre, ça rappelle la guerre. Et c'est ça qu'ils connaissent, souvent. Donc, lui, en fait, il a commencé comme ça. Il est arrivé en France et puis il a commencé à se faire taper dessus par des connards de voyous dans la rue qui se sont foutus de sa gueule parce qu'il avait une tête de Chinois alors que c'était un Afghan. Mais comme il ne savait pas parler encore, il s'est défendu avec ses mains. Et malheureusement, il a payé pour tous ceux qui savaient parler français. Lui, il savait pas parler français. Et du coup, la police lui est tombée sur la tronche, comme on dit. Et puis, sans qu'il puisse s'expliquer, il s'est retrouvé en garde à vue. Et puis, de garde à vue, il s'est retrouvé en tôle, à Fleury-Mérogis. Prison horrible, comme toutes les prisons, d'ailleurs. Moi, je connaissais pas la prison. Maintenant, je crois que je connais un tout petit peu, quoi. Et il a passé la première fois 2 mois, et puis quand il est sorti de prison, comme il connaissait toujours pas bien la langue, il avait appris en prison à parler français, il a été convoqué plusieurs fois pour aller faire des aménagements de peine en prison, à l'extérieur, pardon, mais comme il comprenait pas le français, les connards, faut quand même dire, les connards de administration pénitentiaire, c'est des enfoirés, faut quand même le dire, moi ça me fait plaisir de le dire, là c'est quand même des gros enfoirés, des gros connards, ça me fait plaisir de le dire. Au lieu de lui expliquer de venir, mais avec des mots, avec un interprète, ils lui ont rien dit du tout. Et du coup, le jour où ils l'ont chopé dans la rue, direct, ils l'ont repris, ils l'ont remis en tôle. C'est chouette, hein? Vraiment, c'est vraiment... C'est grave, quoi. Donc, il est retourné en prison pour bagarre, et puis parce que Voilà, je pense que si on l'avait aidé à Médecins Sans Frontières, qu'ils n'ont rien foutu, hein, parce que moi j'étais les voir, Médecins Sans Frontières, j'ai été leur dire, voilà, vous avez laissé un gars dans le vide, vous vous en êtes pas occupé, un tout petit peu pour lui, pour voir qu'est-ce qu'il avait dans le cerveau. Et quand vous avez trouvé qu'est-ce qu'il avait dans le cerveau, parce qu'il était très malade à cause des Kalachnikov reçus sur le cerveau et dans le ventre, bah, une fois que vous aviez compris comment il fonctionnait, bah, vous l'avez lâché. Donc c'est grave, parce qu'il y a des gens qui lâchent leurs responsabilités et puis qui lâchent les gens dans la nature. Donc c'est normal qu'ils se retournent en prison. Donc pour finir cette histoire tragique, ben voilà, il s'est retrouvé en prison la dernière fois le 11 janvier. Bon, il s'est bagarré, effectivement, très probablement. Et puis après ça, il est mort. Il s'est pendu dans sa cellule. On ne sait pas vraiment si c'est vrai qu'il s'est pendu, mais parce que moi j'ai appelé, mais on m'a dit vous n'êtes pas de la famille, alors on n'a rien à vous dire. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver une réponse. Et bon, ce que je veux dire, c'est qu'il avait des médicaments à prendre. C'est très possible qu'on lui ait pas donné ses médicaments en prison. Parce qu'on sait bien qu'en prison, les gens qui sont malades, on les soigne pas et surtout, on ne croit pas qu'ils sont malades. On leur donne des coups de pied dans le bide pour leur dire « lève-toi ». Et le gars, les gars qui sont malades, ils crèvent, quoi. On sait pas grand-chose des prisons, vous autres, nous autres. Tant qu'on n'a pas un copain en prison, on ne sait pas ce que c'est la prison. C'est comme une maladie. Quand on a un cancer, on ne sait pas ce que c'est un cancer. Tu vois ? Donc, tant qu'on ne sait pas ce que c'est d'être dans la merde, on n'imagine pas, parce que voilà, ça ne nous est pas arrivé. Comme un réfugié, moi je ne suis pas réfugiée, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est terrible d'être réfugié. Moi, j'aime beaucoup les réfugiés, d'ailleurs. J'ai pas envie de les lâcher. Donc, voilà, bah, moi, je dis, je suis là pour dire qu'il faut résister à la barbarie contemporaine du 21e siècle, parce qu'elle n'est pas terminée. Je pense qu'elle commence vraiment depuis 2015. Et qu'on en est au début, donc il faut se tenir à l'écoute, il faut rester hyper solidaire avec les uns et les autres, on est tous humains, on est tous différents, d'accord, peut-être par notre culture, mais au final, on est tous humains, on est tous égaux au niveau du fait qu'on est humain. Il faut être tolérant, il faut changer nos comportements par rapport à la différence de couleur ou de culture. Je veux dire, on est là de passage, on n'est pas là pour 100 000 ans. Il faut juste être ensemble. C'est pas difficile. Moi, je trouve que c'est très facile d'être avec les autres. Moi, j'adore ça. Moi, je suis bien avec les autres. Donc, si c'est facile, on peut le faire tous. Chacun à notre niveau, chaque jour. Je vais vous dire, si tous les gens de Paris donnaient un instant de leur journée, un instant de leur temps, à tous ceux qui sont dans la galère, eh ben, il n'y aurait pas de galère. Parce que chacun participerait à chacun. C'est tellement simple. C'est comme le nez au milieu du visage. On a tous un nez. Eh ben, la simplicité, c'est possible. Il faut seulement respirer ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai dit. Hein, parce que c'est sérieux, ce que je vous dis, là. J'espère que vous m'écoutez. Bon, alors, donc, il faut changer nos comportements et ne pas avoir des idées préconçues. Il faut être libre et peace in love. Voilà, c'était un slogan des années 60. Il faut rester dans l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui existe sur cette putain de terre. Et donc, restons solidaires parce qu'on n'est que là pour pas très longtemps sur la Terre. On est là de passage. On va tous mourir un jour. Donc, si on est tous ensemble, il faut s'aimer. Voilà. C'est, il n'y a que ça qui compte, l'amour. Voilà. Bah, j'espère que vous allez commencer dès aujourd'hui à aimer votre voisin qui passe tout le temps à côté de vous. Voilà. Amen. Merci pour ce témoignage et ce message. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? J'ai quelqu'un qui veut nous faire aussi apporter un témoignage. Ouais, merci. Bah déjà c'est cool d'être ici à Stalingrad. Ça fait longtemps qu'on voulait venir. On est enfin sorti de la place de la République pour aller sur Stalingrad. C'est cool. Donc aujourd'hui c'est une spéciale sur la violence. Sur la violence d'État, sur la violence. Et je vais vous raconter quelque chose qui est très très frais, qui s'est passé cette semaine en fait. Le week-end dernier, on a appris malheureusement qu'un de nos camarades d'un syndicat qui est Sudrail s'était suicidé et s'est jeté sous un train. Pour moi, ça fait aussi partie de cette violence, puisqu'on parle souvent de la violence en banlieue. On parle pas assez souvent de cette violence de l'endroit entre les villes et les campagnes, ces espèces de villes dortoirs où il se passe plein de choses et on en parle que très très peu, et effectivement de la violence des campagnes. Mais il y a également cette violence dans le monde du travail. Jeudi, il y a eu un rassemblement à devant la gare Saint-Lazare qui était assez émouvant, parce que pour connaître les copains du rail dans les manifs, c'est plutôt des gros costauds qui chantent, qui courent partout, et là, bah, du coup, on voyait les humains, en fait, derrière les clichés qu'on peut avoir sur les copains du rail. Et ce matin-là, en fait, personne payait de mine. Et on nous a expliqué un petit peu comment on pouvait détruire la vie d'un homme. C'était assez frappant. Il y a eu une très belle cérémonie. Donc voilà, j'avais envie de dire un petit mot pour lui. On n'en parle pas assez, mais tous les gens qui se battent au quotidien, qui militent pour aider des gens qui ne vont pas bien parce qu'ils sont bouffés par une organisation du travail de plus en plus inhumaine. Donc c'est voilà, je voulais apporter ce témoignage-là. Le deuxième témoignage, effectivement, c'est sur quelque chose qu'on a connu pas très loin d'ici dans le 93, avec la mort de Zeyed Ebouna il y a quelques années. Ces deux enfants qui sont morts pour rien à Livry-Gargan dans un transfo qui était originaire de Clichy-sous-Bois. Des gamins qui ont vu des policiers courir et qui ont couru et qui ont eu le mauvais réflexe de courir. Ce qui s'est passé il y a quelques années, c'était assez symptomatique, puisqu'il y a eu ce que les médias ont appelé des émeutes ensuite. Et c'est vrai que sur le terrain, c'était assez ça faisait un petit peu genre guerre civile, c'était assez particulier. Et en fait, à ce moment-là, on a vu un petit peu de tout et n'importe quoi, puisque la ville était en fait, le soir, c'était un blackout à partir de 22h, il n'y avait plus rien qui passait. Il y avait l'armée, il y avait les hélicos, il y avait des flics partout. Et moi, je me rappelle d'amis que j'avais hébergés parce qu'ils pouvaient pas rentrer chez eux et qui avaient leurs parents au téléphone et qui expliquaient ce qui était en train de se passer en plein milieu de la ville. Vous aviez des familles qui couraient se réfugier dans les bois, puisque en fait on coupait l'électricité. C'était vraiment très très compliqué à cette période. Et je me rappelle le matin, pour partir travailler, vous comptiez les voitures brûlées dans les rues, les bus saccagés, donc plus de bus aussi, donc c'était vraiment très très particulier. J'avais témoigné un petit peu sur la place de la République il y a 3 semaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui ont été dit, mais d'autres, moi je pense aussi à Rémi Fraise, je pense au copain de Antifa qui s'est fait également tabasser dans la rue. Donc je pense à tous ces gens-là. Et c'est vrai que du coup, après tout ça en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On a ouvert un commissariat. Alors je suis pas sûr que ce soit la solution. On a fait péter les tours, on a reconstruit des un peu plus petites, un peu moins moches. Mais les problèmes sont toujours là en fait. Encore une fois, en fait, on met un pansement sur une plaie qui est déjà bien ouverte depuis longtemps. Cette solidarité dans les quartiers, ouais, elle existe. Les grands frères, etc., les associations, c'est très important. Mais encore une fois, c'est des gens en fait qui prennent le relais de, bah, pour moi, de l'État qui fait pas le boulot en fait. Ils viennent, ils se déplacent, c'est préparé. Quand ils vont dans les lycées, etc., tout est préparé à l'avance, tout est nettoyé, etc., etc., quadrillé. Et finalement, ils viennent plutôt dans les banlieues pour dire et faire de la communication pour vraiment régler les problèmes. Et après, c'est voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de non-connaissance, de non-dit. Et c'est assez symptomatique parce que moi, quand j'étais gamin et que je descendais dans le sud de la France et je disais que j'habitais dans le 93, tout le monde me disait « Mais comment tu fais? C'est à feu et à sang. » Et je fais « Non, tu peux très bien vivre dans le 93. Ça fait bientôt 32 ans que j'y vis, ça va. Je me porte bien, il y a plein de choses qui se passent là-bas. C'est un bouillon de culture. » Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de sourires. Ça, malheureusement, on ne le voit pas, ou on n'en parle que très très peu. Et moi, je me rappellerai toujours, j'ai une mère qui était instite à Clichy-sous-Bois pendant 25 ans au milieu de la cité. Et le plaisir qu'elle avait à retrouver d'anciens élèves, quand elle faisait ses courses, qui leur disait, bah voilà, moi je m'en suis, entre guillemets, sorti, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais je fais tel métier, ils avaient le sourire, et ma mère, elle avait le sourire aussi, il y avait quelque part cette fierté. Et voilà, c'est important ce qui va se passer demain, et j'ai l'impression qu'on est à un espèce de petit tournant, et en tout cas, j'espère que ça sera pas un feu de paille, comme j'ai dit à République, et qu'on aura au-delà, et il faut continuer ce combat, il faut continuer à se mélanger, ici on est à Stalingrad, à la Rotonde. On n'est pas très loin du 93, il y a un canal. Faut arrêter de se mettre des barrières, faut se mélanger. Et vous allez voir, vous allez que être surpris, en tout cas, je l'espère. Et bah voilà, tout simplement, mon petit Antoine, je te redonne le micro plutôt. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, apporter un éclairage sur voilà toutes ces questions, ou alors on peut reprendre les pinceaux et continuer avec un peu de musique cette journée. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, et alors je rappelle, demain à 14h, marche pour la justice et la dignité contre le racisme, contre les violences policières, les violences d'État, contre l'islamophobie et tout ce qui mine notre société depuis trop longtemps. Donc le rendez-vous, c'est 14h, à Nation, demain, grande marche, avec des milliers et des milliers de personnes déterminées à dire non à ce monde de violence et de racisme. On va... J'arrête, hein ? Hein ? J'arrête. Ok. Ben on vous remercie tous, et on se remet à la peinture. Et donc vous êtes tous les bienvenus pour apporter votre petite touche artistique sur les banderoles et les pancartes. Voilà, merci beaucoup.